Je souhaiterais adresser aujourd'hui un message aux sirènes, c'est-à-dire à nous tous. Dans l'avertissement qu'elles délèguent de loin, une musique lancinante signale que les choses tournent mal. À n'importe quelle heure, tout se passe comme si chaque alarme secondaire désignait l'imminence de la catastrophe générale. Les sirènes, ces mélodies destinées à inquiéter le sommeil diurne, héritent étrangement du cœur homérique qui, de son chant délicieux, entraînait les équipages à la mort. Elle semble destinée désormais à nous éviter la mort en brisant l'inconscience partagée. Le signe des sirènes s'est-il inversé? Sirènes de maintenant, nous avons oublié que le chant adressé à Ulysse et à ses matelots déjà était un système d'alerte et d'information. Les sirènes enchantées pour en appeler au refus du malheur, annonçant aux hommes l'éveil au savoir absolu.